Sens connu sous un autre nom touchant tout simplement les enfants, les infos spirituellement. Ils restent innocents des dangers du monde, sont ignorants. Ils vont dans l'avant sans perdre du temps et en s'amusant tout le temps. Se voient au monde découvrant, intelligents, ils comprennent les choses rapidement. Petit la plupart mignons à travers leurs yeux se reflètent innombrables rêves merveilleux. Nés sous l'œil de Dieu, la lumière les protège des univers ténébreux. Les symboles et l'innocence, rien que quand tu entends enfant, ça te fait rêver. Tu penses enfin que l'innocence pourrait recouvrir ce monde sans grand, grâce à seulement au mot le plus éprouvant, celui qui touche et qui rassemble. Symbole d'innocence, les enfants de la vie, c'est les saints. La lumière de la terre, les êtres de l'amour éternel. À tous protégez-les, ne l'enseignez que la vérité, qui soit de vrais guerriers. Pour instaurer la lumière, y faire disparaître les ténèbres. Dans le monde, ils ne sont nos caca nuisibles. Pourtant, ils subissent des choses si tragiques. Une tragédie dans la réalité de la vie, en deux pensées. Chaque jour, c'est grave d'en arriver là qu'ils deviennent sacrés. Lorsqu'ils se font nouer de coups, que l'on doive leur rester. Seulement, comme cela, c'est malheureux, on ne peut apaiser nos courroux. À vie, le regret et la haine par leur mort nous abat. Admirable, adorable, des séquelles horribles. Ils endurent qui les salit, les détruit et les tue. C'est encore vivant, ils deviennent adultes, fois avec deux. L'amertume pour toujours dans leur cœur. Demeura, c'est un guéri sa blessure. Pauvre petite être magnifique, je dénonce cet acte plus illicite, c'est satanique. Né sous l'œil du Tout-Puissant, le Père éternel lui a donné la vie, ce n'est pas pour la lui reprendre. Symbole d'innocence, les enfants de la vie, c'est les saints. La lumière de la terre, les êtres de l'amour éternel. À tous protégez-les, ne l'enseignez que la vérité, qu'ils soient de vrais guerriers. Pour instaurer la lumière, y faire disparaître les ténèbres. Aucun vice, aucune haine, aucun sentiment démon ne les abrite, ne les hante. Les enfants te définissent exactement le sens de vivre pleinement sous la lumière, sous la santé, avec un cœur purifié, lucide comme un cristal illuminé, pur, mignon, doux, gentil, innocent, inoffensif, naïf. Tous ces mômes sont si drôles, leur visage reflète de la sagesse, leur visage reflète tous leurs rêves, tous les nôtres. Lorsque petits nous souhaitions les faire, c'est pareil, un comportement qui ne dure pas tout le temps. Cette vertu d'être pur et juste a disparu au fur et à mesure qu'ils grandissent et apprennent la vie. Adorez-le, rendez-le fort face au pire extrême de la vie, choc et donnez-lui la chose sacrée. Ce n'est que l'amour, bercez-les de douceur pour toujours. Symbole d'innocence, les enfants de la vie, c'est les saints. La lumière de la terre, les êtres de l'amour éternel. À tous protégez-les, ne l'enseignez que la vérité, qu'ils soient de vrais guerriers. Pour instaurer la lumière, y faire disparaître les ténèbres. Symbole d'innocence, les enfants de la vie, c'est les saints. La lumière de la terre, les êtres de l'amour éternel. À tous protégez-les, ne l'enseignez que la vérité, qu'ils soient de vrais guerriers. Pour instaurer la lumière, y faire disparaître les ténèbres. Les symboles de l'innocence.